Salut, vous êtes sur le 89.5 de Radio Jou, il est 19h et c'est l'heure d'écouter des litres de salive. Aujourd'hui, on va parler des émotions liées au désir et au sexe. On va parler de certains obstacles à une nique épanouie. On va aborder ça sous un angle plutôt personnel, plutôt de l'intime. Des trucs de dialogue interne fictif aussi. On va parler de consentement, de dépossession, de l'aliénation sexuelle dans l'hétérosexualité, de désirer des personnes du même genre que soi. Et puis, il y aura des lectures de conseils sexuels du 19e siècle, parce que ça semblait vraiment nécessaire. Et il y aura aussi de l'imaginaire érotique en action. De la pornographie, quoi. À l'oral, bien sûr. C'est le moment de libérer la chatte. Est-ce que les garçons ne mettraient pas les filles qu'ils aiment vraiment beaucoup dans une sorte de bulle imaginaire sur un piédestal dont elles ne pourraient plus descendre? Ça peut arriver, tu crois? J'admets que je trouve les hommes physiquement attirants, mais sur le plan affectif, ils sont arriérés. Blabla, Gaïa, blabla, le monde, pouvoir de la vie menstruelle, etc. Mais combien de fois t'as simulé? Il y a des hommes beaucoup mieux que lui, dont la cervelle n'est pas détériorée par des histoires de pénis. Ah, c'est que ça alors? T'es juste venu me pomper des infos. Qu'est-ce que tu voulais que je te pompe d'autre? Moi j'adore les histoires de pénis. Oh là là, voilà un béga que j'aimerais me faire. Tu n'es pas la première femme avec qui je sors. Mais t'es pas la première hétéro avec qui je sors. Hétéro? Je pourrais te chevaucher jusqu'à ce que tu me demandes grâce et que tes yeux se révulsent. J'ai une force que même dans tes rêves, tu n'oserais m'envier. J'aurais un plaisir fou à te broyer pour te voir exploser comme un bouchon de champagne et tu me supplieras de te maltraiter un peu plus. Des litres de salive pour faire glisser des mots, pour humecter des muqueuses, lécher des plaies et cracher sur l'amour. Et on cracherait dessus jusqu'à le réhydrater, jusqu'à ce que le petit haricot sec radin, hétérocentré, hétéronormé, hétérochiant, devienne un joli truc tout palpitant, luisant, doux et rebondi qu'on aurait envie de glisser entre nos lèvres. Et nous voilà toujours sur Radio Jou. Si vous avez bien suivi l'introduction de cette émission, je vais parler de sexe tout le temps. Alors voilà, il faut bien éloigner les oreilles chastes, tout ça, et puis voilà. Je vous laisse faire ça. On va dire que c'est bon. Hein. On va commencer par un petit texte que j'ai écrit il y a un moment. Et je crois peut-être j'étais un peu vénère. Alors ça va être dynamique. Ma condition de salope m'a permis de percevoir certaines choses. J'ai encaissé des réflexions venant d'hommes cis, d'hommes que j'aimais. Des plaintes comme quoi c'était dur de m'assumer, des plaintes à propos de ce que des potes leur avaient raconté. Mais sans penser à mal, hein. Et puis c'est vrai non que tu aimes le sexe? Mais ouais, bien sûr, dire à un type que la meuf qu'il fréquente est une sacrée coquine, c'est pas méchant. C'est pas connoté négativement pour une meuf d'être identifiée publiquement comme aimant le sexe hors du cadre d'une relation sentimentale dans notre société si parfaitement égalitaire et acceptante envers les meufs qui s'envoient en l'air tant qu'elles peuvent. Et puis, en tant que type, il est bien placé pour savoir que, en fait, c'est sympa. Non mais mon gars, comment je te pisse à l'arrêt? Je pisse également à l'arrêt de ceux qui nous chouinent dessus à propos des pressions qu'ils subissent dans leur sexualité à propos du terrible poids de leur masculinité. Torrent de pisse pour tout le monde. Parce que leur pression, là, leur pression sociale, elle découle d'un privilège. On ne dispose pas de nos sexualités de la même façon. La nôtre, on doit se battre pour qu'elle soit à nous et continuer de se battre tous les jours pour ne pas se faire bouffer par les normes qui voudraient qu'on fasse plaisir, qu'on soit dans le don tout le temps. Pour les hommes, c'est une pression à prendre, à recevoir, à désirer. Ils sont socialement poussés à exercer l'initiative, à être en situation de pouvoir, de contrôle. Alors certes, ça représente de la pression. Mais surtout, ça leur apprend à hyper bien poser des limites pour ne pas être envahis par les autres dans ce qu'ils veulent. L'intégrité de leur petit nombril, tout ça. Ce qui est d'ailleurs aussi le cas dans leur vie en général, leur gestion des émotions, leur vie sentimentale, de relous paranoïaques et irresponsables s'enfuyant en hurlant dans la nuit. C'est comme ce truc de merde là qui fait que leur tâche c'est de nous donner du plaisir, qu'ils doivent apprendre à le faire, que c'est compliqué quand les partenaires les aident pas, sont pudiques dans leur communication. Ils ont une pression à nous faire jouir. Et encore, ça c'est dans le meilleur des cas, hein, quand ils s'en foutent pas. Mais le fait qu'ils soient responsables de nos orgasmes signifie que nous-mêmes n'en sommes pas responsables et que nous n'avons donc pas le contrôle dessus, que notre capacité à jouir est hors de nous. Ils ont la pression de bien faire. Mais nous, on a juste la possibilité de recevoir correctement quelque chose sur lequel nous n'avons pas de contrôle. Surtout que, vu comment c'est foutu, si on n'ose pas trop donner d'indications, expliquer précisément ce qu'on aime, c'est que, déjà, si notre parole là-dessus est trop libre, on est des salopes et ça va pas. Ensuite, on est censé prendre soin des autres, donc il faudrait pas trop les embêter avec nos besoins et nos désirs, qu'on n'a pas trop le droit de faire valoir, surtout si on n'est pas en couple, c'est un autre sujet. Et pour finir, on a super peur de blesser l'ego sexuel du mâle. On veut pas le critiquer, lui faire de peine. Et j'ajouterais que si on a si peur de le blesser, c'est que l'expérience nous a en général prouvé sa susceptibilité et que ouvrir sa gueule avait des conséquences désagréables. Et le pire, c'est que certains, dès qu'ils ont capté 2-3 trucs sur le consentement, les pressions concernant le fait de donner du sexe, la construction masculine, ils nous chouinent dessus en mode « Ah, j'ai trop la pression à te donner du sexe, à bien faire le sexe !» Alors que leur construction masculine les a amplement équipés en protection contre être guidés par les désirs des autres. Ils sont pas formatés pour concéder, donner, faire plaisir. Et en plus, ils ont une situation de dominant dans la société en général. Alors non, ce n'est pas pareil de subir les pressions concernant la sexualité en étant une meuf ou en étant un type cis. Et c'est pas juste différent, c'est inégal. Même dans les cas où le consentement d'un gars est pas respecté par une meuf, il n'y a pas de symétrie. C'est certes un problème et une agression aussi, et c'est pas admissible. Mais c'est un problème à l'échelle individuelle qui n'est pas soutenu par des constructions sociales de la sexualité, qui n'a pas sa source dans des conditions inégales d'exercice de la sexualité entre les hommes cis et les meufs. Des fois, je me demande si les gars qui s'intéressent, enfin qui s'y intéressent superficiellement, au féminisme, ils sont pas pires que les types lambda à se coltiner dans les relations. Parce qu'ils ont plus d'outils pour nous pousser à la remise en question, parce qu'ils comprennent comment fonctionnent les oppressions et les abus relationnels, et qu'ils récupèrent tout ça en version dépolitisée pour essayer d'entretenir leur propre confort. Comme un réflexe de dominant, de merde. Spike. La seule chance que tu aurais eue de me séduire, c'est lorsque j'étais inconsciente. Quoi ? Mais c'est quoi le bon sens de problème avec vous, toutes les bons dieux de bonne femme ? Mais qu'est-ce qu'il faut pour vous satisfaire ? Pourquoi pourquoi vous me torturez comme ça ? C'est à quelle question qu'il faut que je réponde ? C'est vrai, moi je ne sais plus quoi faire, vous êtes... Fuck it up! myself I wanna be. Scattered like a memory, scattered like a stupid little dream, like a stupid little dream come true. What is it, me not anything? Where do you think I should today? Spirit, do you want to play? Spirit, do you want to play? What is it, me not anything? Where do you think I should today? Spirit, do you want to play? What do you working out. Et c'était les Black Dresses avec Money Makes You Stupid. On continue et à présent, on va parler du continuum du non-consentement. Là, je vais parler de non-consentement dans un cadre hétéro. Il y a aussi des expériences de comportement problématiques vis-à-vis du consentement dans d'autres cadres, mais comme c'est pas systémique, c'est-à-dire c'est pas maintenu et entretenu par les normes en matière de sexualité, et ben c'est quand même pas bien pareil. Et du coup, c'est pas de ça dont je voulais parler, je voulais parler de ce qui se passe quand on est dans un cadre qui est de base déséquilibré. Donc, sur le continuum du non-consentement, on trouve les agressions sexuelles et les viols, donc des actes sexuels imposés à la personne alors qu'elle ne le souhaite pas. Sur ce continuum, on trouve aussi ce qu'on appelle la manipulation du consentement. Et pour donner des exemples, la manipulation du consentement, ça peut être du chantage affectif pour obtenir du sexe. Genre, oh, si tu m'aimes, faisons... Enfin, je sais pas, voilà. Ça peut être donc des supplications diverses, genre, s'il te plaît, genre des besoins, parce que sinon, je vais m'évanouir... Conneries. Et la manipulation du consentement, ça peut aussi être une personne qui dit « Non, non, vas-y, c'est cool » quand on a émis une réticence face à certaines pratiques. Sur ce continuum, on a aussi l'absence de verbalisation autour des pratiques initiées. Par exemple, de ne pas dire « J'ai envie de faire ça, est-ce que ça te va ?» ou ce genre de phrase. Et ben, l'absence de verbalisation quand on initie des pratiques, c'est techniquement aussi une agression, parce que faire quelque chose sans demander avant dans un cadre sexuel, ça peut être une agression. Dans ce continuum, on retrouve aussi l'absence d'attention régulière portée à l'enthousiasme de la personne, et aussi l'absence de formulation autour de cette attention, ben, voilà, de checker avec la personne si ça va régulièrement. Voilà pour un continuum. Plus jeune, j'ai vécu, et puis je suis pas la seule, hein, beaucoup de situations de sexe avec des types 6, dans lesquelles j'étais contente de faire du sexe, mais où le type, il avait pas du tout checké si c'était le cas, et il portait aucune attention à ce que je pouvais vouloir, à mes sensations physiques, à rien en fait. Et les comportements de ces types, c'était des comportements d'agresseurs. J'ai pas vécu la plupart de ces situations comme des agressions parce que le hasard a voulu que j'en ai envie aussi. Mais souvent, c'était le hasard et pas un comportement respectueux du consentement qui a fait que ce n'était pas des agressions. Évidemment, on continue pas forcément de checker le consentement avant chaque petit acte quand on connaît bien la partenaire. Et qu'on a appris à identifier ces signes d'enthousiasme, qu'on a parlé de façon extensive de ce qu'on apprécie ou pas. Je sais même pas pourquoi je précise ça en fait. Enfin, Si, je sais. C'est que je sais que des fois, il y a des réacs, ouin ouin, on peut plus rien dire, qui tombent sur mon émission. Et après, ils disent, ouin ouin, on peut plus rien dire. Et inconsciemment, insidieusement, j'ai fini par tenir compte de leurs existences. Mais bref. On sait que, à cause du sexisme ambiant, des normes en matière de sexualité, surtout du problème de rapport inégal entre les types cis et les meufs, les types, ils devraient être vraiment vigilants par rapport aux questions de consentement, parce que le monde, il est fichu de façon à ce que les meufs, elles se sentent obligées de faire le sexe avec eux, par exemple. Ou qu'elles veuillent pas avoir l'air chiante, alors on discute pas trop, on sourit, on prend sur soi, parce que l'amour, ou parce que la menace du rejet, la menace de l'amour, des fois on se demande. Mais les types, pour eux, c'est compliqué de parler. Et de parler de sexe aussi, et... Ah. Bon, on va pas faire une liste exhaustive de ce qui est compliqué pour eux, j'ai qu'une heure d'émission. Mais voilà, c'est compliqué, et potentiellement ça les crispe. Et on a peur de les crisper et de les vexer, et je pense pas que tout ça soit systématiquement conscient, hein, de prendre sur soi comme ça. On est plutôt du côté de l'automatisme, du formatage à la super féminité. Et les relations dans lesquelles le rapport de pouvoir est vraiment déséquilibré, les relations avec... soit des relations carrément abusives, soit des relations avec des comportements abusifs. Je ne sais pas exactement où se situe la limite et je ne vous le dirai pas, mais bref. Donc, ces relations, là où il y a un déséquilibre prononcé en plus du déséquilibre de l'hétérosexualité, donc des relations avec des personnes irresponsables qui maintiennent une distance, du suspense, une tension perpétuelle, qui s'octroient le pouvoir par le silence dans la relation... Quand on a toujours peur de perdre l'autre et pas trop le loisir de penser à autre chose, le fait de prendre sur soi, il peut être d'autant plus prononcé. Certaines de ces personnes qui maintiennent un rapport de pouvoir déséquilibré de par leur comportement et qui sont des types cis, hein, attention. Donc certaines, ce sont les spectres mous de l'amour. Mais qui sont donc les spectres mous de l'amour? Leurs caractéristiques sont les suivantes. Ces personnes, elles témoignent beaucoup d'intérêt et d'affection, puis disparaissent, puis reviennent comme si tout était normal. Elles ne communiquent pas sur les émotions, mais aiment beaucoup partager de la sexualité. Elles trouvent potentiellement que discuter de la relation, c'est chiant et compliqué. Et elles-mêmes ne le font pas, elles nous laissent parler. Elles nous accusent d'utiliser le fait d'exprimer nos émotions pour les manipuler, un grand classique, et sont soupçonneuses, voire verbalement violentes, si on a le malheur de questionner un de leurs comportements. Et tout ça, sans jamais se remettre même en question, sans jamais revenir sur leurs actions ou leurs paroles. Elles se caractérisent également par une survigilance par rapport à leur propre bien-être et l'absence de place pour leur partenaire et ses émotions. Si on doit résumer parmi tous ces comportements relationnels merdiques, la principale caractéristique du spectre mou est l'herméticité sur commande, accompagnée de menaces de disparition perpétuelle. L'attirance pour les mecs cis sensibles... Alors, parenthèse, hein, sensible pour un mec cis, ça veut pas dire capable d'empathie. Ouais, voilà. Donc l'attirance pour les mecs cis sensibles et torturés, et connards, ainsi qu'une grande capacité à se remettre en question, à accepter l'autre, expose pas mal à ce genre de personnes et de relations. Et globalement, quand ça devient visible que c'est pourri et que la personne, elle révèle son côté abusif, comme ça, on est potentiellement déjà embarqué. On trouve déjà tout ça hyper précieux et on a envie de retrouver les sensations de partage cool du début parce qu'on les a vues, elles existent. On a peut-être aussi envie de prouver que rien ne cloche chez soi en faisant en sorte que la personne finisse par arrêter d'être hermétique et se rendre compte qu'on est super. Ce qui met vraiment, encore une fois, dans une situation merdique. Mais voilà, c'est un tout autre problème. Mais bref. Des types qui, par le rapport de pouvoir qu'ils mettent en place, entretenu par leur silence et les diverses pressions psychologiques qu'ils exercent, avec ces types, avec eux, le continuum du consentement est très impacté par la peur de les perdre ou la peur de les inconforter. Et on n'est pas dans de l'agression, ni vraiment dans de la manipulation. C'est plutôt sur de l'autocensure que ça se situe de notre côté. De pas trop oser dire qu'on veut faire autrement parce que déjà, on a de la chance que là, tout de suite, le type, il soit enclin à partager de l'intimité. Et faudrait pas non plus le faire fuir avec une prise de tête. Vous entendez les guillemets ? Prise de tête. Les conséquences les plus visibles de tout ça, de pas trop oser, ça va être par exemple de renoncer à utiliser un préservatif, de renoncer à en parler. Et parce que c'est contraignant, oulala, ne lui faisons pas la contrainte, ne gâchons pas le moment. Ça peut être aussi comme conséquence de ne pas arrêter tout de suite quand on a mal. Et voilà, il y a beaucoup d'autres conséquences de tout ce qui consiste à faire des trucs qu'on n'a pas vraiment envie de faire et qui peuvent être dangereux même potentiellement pour notre santé. S'oublier et se noyer dans le désir de l'autre. Oublier le sien de désir parce qu'il n'y a pas de place pour soi. Et ça peut donner une impression d'intensité un peu folle, comme un immense soulagement quand on constate le désir de l'autre pour soi alors qu'on avait peur qu'il se foute de nous. Une intensité qui est difficile à abandonner, c'est difficile de faire une croix dessus. La vague de soulagement qu'elle suscite emporte avec elle toute la merde dans un grand « oui, l'autre me veut en fait ». On oublie le manque de considération, on se concentre sur ce qui est beau, sur cette intimité retrouvée et on mélange allègrement l'envie de baiser de l'autre et sa capacité à aimer. Le problème, c'est que les trucs intenses comme ça, bah, c'est super bon. Mais je crois que quand même, on sent qu'au fond, c'est un peu sale. Que c'est là pour combler un vide et pas pour fabriquer de l'intime. Que ça se paie. Relationner avec des spectres mous de l'amour est dangereux. Les bases du rapport de pouvoir malsain sur lesquelles repose la relation, elles poussent à prendre sur soi sans cesse. À prioriser les besoins de l'autre parce que la menace de le perdre flotte toujours dans l'air. Et ça impacte le partage de sexualité. Et... ah, non, c'est injuste de ma part. Avant, elle était drôle. Quand on s'est rencontrés, ce que j'ai adoré chez elle, c'est qu'elle était bien plus drôle que mon ex-femme avant elle. Ah, on parle à nouveau de tes ex. D'accord. Bien sûr, Jessica aussi a été chouette. C'est pour ça qu'on a commencé à se voir. Bien plus chouette que Katrina, qui était si dure et cynique. Et Jessica était douce et pleine de vie. Ouais, elle a l'air vraiment chouette. Mais maintenant que j'y pense, en fait, quand j'ai rencontré Katrina, elle était aussi pleine de vie. Tu veux qu'on se prenne un autre verre? Moi, je vais m'en chercher un. Ah, mon Dieu, c'est une curieuse coïncidence. Pourquoi toutes ces femmes si vibrantes et idéalistes sont devenues froides et amères après avoir été avec moi? Il doit y avoir un dénominateur commun. Fantástica esta fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta es la que descubrí. tú qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Mira por qué hago yo esta fiesta y me lo pones. Fiesta, qué fantástica esta fiesta. Qué fantástica esta fiesta. Esta fiesta en la que descubrí su amor. Fiesta, qué fantástica esta fiesta. Qué fantástica esta fiesta. Esta fiesta en la que descubrí su amor. Et c'était Rafaela Cara avec Fiesta. Voilà. Et à un moment, elle dit Fiesta con amigos y sinti. Et bah, voilà, elle est contente de faire la fête avec ses amis et sans son ex relou. Voilà, d'après ce que je comprends vaguement de ce couplet. Ah, voilà, on se retrouve. C'est toujours des litres de salive où on parle de sexe. Et maintenant, on va parler de la non-monogamie. La dernière fois, dans la dernière émission sur le sexe... la dernière fois, une de mes potes fictives a expliqué qu'elle est non-monogame parce que ça lui convient. Et pas par conviction politique. Et donc aujourd'hui, elle va nous dire pourquoi elle est non monogame par conviction politique. Parce que oui, youpi, l'ambivalence. Et c'est parti. Je suis non monogame par conviction politique. Parce que je pense que les normes en matière de relations, elles devraient être atomisées. Que le désir sexuel que partagent des personnes devrait pouvoir se vivre sans que ce soit un drame horrible et une trahison, que l'amour prend plein de formes et que leur attribuer une valeur en fonction de ce qui est reconnu socialement, c'est non seulement de la merde, mais c'est aussi dangereux pour la santé mentale et l'intégrité physique des gens que ça fragilise. Parce que je sais que les aspirations, les émotions, les attirances ne se satisfont pas du cadre de l'hétéromonogamie, du moins pas pour grand monde. Et j'estime que c'est sympa, dans la mesure du possible, de faire exister dans sa propre vie ce en quoi on croit. Ceci dit, si je réfléchis à tout ça, si j'y pense depuis aussi longtemps, c'est bien parce que mes envies m'ont poussé à y réfléchir. Les remises en question des normes sont là parce qu'elles ne m'apportent pas de satisfaction. Et si je faisais la non-monogamie par pure conviction et que ça me rendait hyper malheureuse, si je me forçais par cohérence politique, et surtout si c'était avec un cis-type, ça perdrait tout son sens. Mais c'est pas possible de tout séparer, trier comme ça. Des fois, la cohérence avec soi-même, elle demande des efforts et du travail. Et trouver ce qui apporte la cohérence contre des efforts, le différencier de ce qui nous fait juste mal, tous ces trucs étant probablement mouvants selon les moments, et ben c'est un peu le chaos, la désolation de qu'est-ce qui a existé en premier, et d'où vient l'impulsion et qu'est-ce qui est vraiment bon. Il y a le choix aussi. Au final... Rechercher la plus grande adéquation avec soi, c'est juste sans fin. Et on est composé de tous nos choix. Il faut choisir pour avancer. Choisir à quoi on va dédier du temps, de l'énergie. J'ai choisi de construire des relations amoureuses et de complicité sexuelle qui sont hors des normes, ou du moins pas les plus valorisées, quoi. Comme par exemple baiser avec des potes, partager un truc un peu subtil d'érotisme occasionnel, quoi. Alors, j'ai pas juste suivi mes élans, j'ai choisi de les suivre. J'ai choisi de pas faire profil bas en faisant ça. Je comprends les personnes qui trompent leur partenaire sans vouloir discuter de non-exclusivité, parce que bah, les pressions sociales, je les comprends, mais je les juge quand même un petit peu. Je peux pas m'empêcher. Et puis, elles m'agacent, toutes ces personnes, parce que si toutes elles se montraient responsables et sincères dans leur relation, eh ben, je serais juste... une personne noyée dans la masse et ma vie serait tellement plus simple. Ma réalité de chaudasse romantique et puis mon envie de cohérence politique, elles sont toutes deux à prendre en compte. Elles se frottent, elles s'entre-absorbent, s'entre-influencent. Elles négocient les limites de ma vie sexuelle et affective. On On se rencontre, on se sourit, on se rapproche et on papote. On boit un verre, on se séduit, tout doucement on se bécote. On boit un verre, on se sourit, tu mets ta main dans ma culotte. Tu le trouves vite, mon clitoris, et moi je caresse ton entrecuisse. Ce moment-là est un délice, je sens nos deux corps qui frémissent. Mais dès l'instant où tu te glisses, tu n'as que faire de ce complice, et tu l'oublies, mon clitoris. Et c'est bien ça ce qui m'embête, car moi c'est jusqu'au bout du jeu que j'ai besoin de ma petite bête. Sans ça, elle me fait rien ta queue. Alors laisse-moi passer ma main, parce que là t'es couché sur lui. Et que même si pour toi tout va bien, moi je risque pas de pousser des cris. Tu le trouves vite, mon clitoris, et moi je caresse ton entrecuisse. Ce moment-là est un délice, je sens nos deux corps qui frémissent. Mais dès l'instant où tu te glisses, tu n'as que faire de ce complice, et tu l'oublies, mon clitoris. En le connaissant un peu mieux, tu verras qu'il n'est pas méchant, qu'il n'enlève rien à tes beaux yeux, que ce n'est pas ton concurrent. Si ça te paraît tout petit, que tu ne sais pas le manier, ne me l'abîme pas, mon ami, regarde plutôt comment je fais. J'aime comme on bouge, toi et moi, quand nos bouches et nos corps s'embrassent. Mais si je n'y mets pas les doigts, ce va-et-vient, ben je m'en lasse. Alors laisse-moi passer ma main, tu verras comme ce sera bien. Tu le trouves vite, mon clitoris, et moi je caresse ton entrecuisse. Ce moment-là est un délice, je sens nos deux corps qui frémissent. Et si dans l'un dans l'autre on glisse, je laisse sous la main mon clitoris. C'est le meilleur moyen pour que je jouisse. Et c'était Combine les ruines avec sa chanson Laisse passer ma main. Et maintenant, je vais vous proposer un interlude de lecture de cul. Alors, je vais vous lire des extraits d'un magnifique ouvrage qui s'appelle « L'art de foutre en 40 manières ». Voilà. Le bon goût, tout ça. Et je vous lis ce qu'il y a marqué derrière pour que vous situiez un petit peu. Hein. « Dans le sillage de la Révolution », l'ordre et la morale restaurés au XIXe siècle pourchassent les œuvres trop libres du siècle précédent, mais entretiennent du même coup la nostalgie d'un ancien régime libertin. C'est ainsi qu'une brochure une brochure au langage fleuri voit le jour en 1833. L'art de foutre en 40 manières, ou la science pratique des filles du monde, prétendument imprimée à Amsterdam en 1789. Chaque position amoureuse est décrite et figurée comme dans un article et une planche de l'encyclopédie, et peut-être chantée sur un air bien connu de l'époque. Ce petit manuel farfelu, qui met en scène les nouveaux acteurs populaires comme la couturière ou le pharmacien, mais aussi les bandalaises et les puceaux, vise sans doute plus l'amusement qu'un quelconque apprentissage. Alors ça, je suis pas sûre, parce que vraiment, je pense qu'on a des choses à apprendre de ce magnifique ouvrage. On va commencer par une lecture sur des conseils. Alors, c'est la 23e manière de l'art de foutre, et c'est « Recette pour guérir les bandalaises ». Oui, désolé, ça va faire du bruit, je vais replacer mon micro. Allez. « Recette pour guérir les bandalaises ». Lorsqu'un fouteur en est venu au point de faire long feu, de rater, enfin de ne plus bander, il consulte un médecin, un charlatan, qui lui conseille d'avoir recours aux aphrodisiaques, de se frotter le vis et les couilles avec de la teinture de cantharide, de musc, de borax et autres drogues. Tout cela n'est que de la fouterie de pauvre. On bandoche un moment, on baise en vie mollet, et le remède est pire que le mal. Fouteur, ayez recours à la nature, c'est une bonne mère, elle n'abandonne jamais ses enfants. C'est l'imagination qu'il faut ranimer, raviver, remonter, régénérer. Pour y parvenir, voici le moyen qu'il faut employer. Réunissez chez vous 5 ou 6 femmes bien garces, bien putains, bien dévergondées, qui ne rougissent de rien et qui foutraient en plein midi dans la rue sur une borne. Après les avoir bien mises en train avec des liqueurs, du vin de champagne, etc., placez au milieu de votre salon un canapé sur une table, de manière à ce que vous soyez à la hauteur des glaces. Lorsque toute la bande joyeuse sera sans chemise, mettez-vous sur le canapé. Que les femmes vous entourent, qu'elles vous branlent, vous donnent le postillon, qu'elles se gamahuchent, qu'elles se montrent à vous de toutes les manières et de toutes les postures. Les glaces vous les offriront sous tous les points de vue, alors vous banderez, car il y a de quoi ressusciter un mort. 2 ou 3 séances vous rendront votre vigueur primitive. Nous vous en répondons sur parole. Voilà. Après, ce conseil pour guérir, bon, du coup, vous aurez compris, les bandes à l'aise, c'est les personnes qui éventuellement auraient des problèmes d'érection. Tout ceci étant extrêmement hétérocentré, bien sûr. Enfin, voilà. Il y a de vagues allusions à des meufs qui se bouffent la chatte, mais bon, voilà, c'est très hétérocentré. Et maintenant, je vais lire plusieurs extraits où il y a quand même une thématique de fond qui ressort assez, c'est de réaliser des espèces de, je sais pas, des constructions, des meubles et des bricolages pour améliorer la nique. Voilà, je trouve ça assez fascinant. Du coup, on revient à la 8e manière, en panier ou à la poutre. Pour mettre à exécution cette manière de foutre assez curieuse, il faut quelques préparatifs dont nous allons donner les détails. Vous placez au plafond une poulie qui doit y tenir par une vis. Vous y passerez ensuite une corde assez forte à laquelle vous attacherez un panier garni d'une anse. Il sera assez grand pour qu'on puisse s'y asseoir et il y aura une ouverture au fond. Vous placerez sur le tapis du plancher votre fouteuse assise dans le panier, les jambes pendantes en dehors. Elle aura le con sur l'ouverture du panier. Elle prendra la corde des deux mains, vous en ferez de même, puis vous l'enlèverez. Votre vis bien bandant et raide, se trouvant perpendiculaire avec le con de votre fouteuse, vous fera entrer et sortir votre vis à volonté, et le doux frottement qui s'ensuivra vous fera voluptueusement décharger. Nous avons vu ce mécanisme en mouvement, il est ingénieux et récréatif. Pour en faire un usage très agréable, il faut être en société de fouteurs et de fouteuses qui s'entendent bien. On fait jouer la poulie ad turnum. Ce sont de petits services que se rendent réciproquement les amateurs du plaisir de la couille et les vrais foutromanes. Voilà. Et ensuite, on retrouve la dixième manière qui s'appelle le pileur de Citer ou de la rue des Lombards. Mais c'est ainsi que rien du tout, ce n'est pas le bon extrait. Désolée. Ah, voilà. Donc on retrouve plutôt la 19e manière en escarpolette ou en voltigeur. Vous suspendez un fauteuil au plafond de votre appartement avec une corde assez forte pour soutenir le poids de votre corps et celui de la femme que vous voulez foutre. Elle se place sur le fauteuil, les jambes écartées et levées sur les bras du fauteuil. Vous mettez alors l'escarpolette en mouvement. L'escarpolette, c'est une poulie. Hein. Et lorsqu'elle s'approche de vous, vous poussez votre vis dans le con. Après avoir exécuté 2 ou 3 fois cet exercice, vous devez éprouver l'un et l'autre les avant-coureurs de la décharge. Le foutre saisit le bras du fauteuil et après 5 ou 6 coups de cul et la riposte de la femme, le foutre coule à gros bouillon et vous jouissez comme des bienheureux. Cette manière est très agréable. Et nous avons connu un fouteur adroit qui faisait alternativement entrer son vis dans le con et dans le cul. Il doublait ainsi ses plaisirs et ceux de sa fouteuse. Et voilà, et on va lire un dernier extrait de mobilier à but fornicatoire. Alors, celle-ci, c'est la 38e manière en sybarite. Je ne sais pas ce que c'est. Bref, cette manière a son agrément, mais tout le monde ne peut en faire usage. Il faut pouvoir se procurer des meubles faits exprès pour foutre et qui vous épargnent la peine de remuer le cul. On les garnit de ressorts élastiques qui, dès qu'ils sont mis en mouvement, vous laisse savourir à loisir les plus douces jouissances sans vous faire éprouver la moindre fatigue. Car on sue quelquefois sang et eau pour foutre des femmes qui ont la rage dans le con et qu'il faut limer à outrance, parce qu'il faut les noyer dans le foutre sans quoi les garces vous traitent de mauvais fouteurs ou de bande à l'aise. Et il y a de quoi se le couper lorsqu'on tient à la réputation de son vie et à l'honneur de ses couilles. Pour remédier à ce cruel inconvénient, les tapissiers de Paris ont inventé des matelas, des canapés, des coussins à ressort pour les grands personnages, les princes, les ducs, les comtes, les barons, aussi mauvais fouteurs que leur moitié sont garces et putains et gourmandes de foutre. C'est ce qu'on nomme « baiser en sibarite » pour faire allusion aux habitants de la ville de Sibaris, ancienne ville près de Naples, qui foutaient sur des roses effeuillées et se faisaient soulever par leurs esclaves pour remuer leurs charnières à décharger. À Paris, où l'on a des mœurs, les tapissiers ont trouvé remède à cet inconvénient. Voilà. J'espère que vous avez attentivement écouté ces fantastiques conseils. Voilà. Et je pense que ça va être utile pour tout le monde. Et qu'on n'est pas obligé de les garder dans le cadre de l'hétérosexualité, tous ces conseils. Voilà. À présent, on va parler de ce qui peut se passer quand on ressent de l'attirance pour des personnes du même genre. De ce qui peut se passer dans sa tête quand on se projette à faire le sexe, pour ce que je connais avec une autre meuf, ou ce qui peut se passer quand on le fait vraiment. Et pour explorer ces trucs, on va faire de l'introspection fictive avec Lola, qui est une meuf cis fictive. Lola aime bien partager de la sexualité avec des meufs. Elle a passé une certaine quantité de temps à se prétendre hétéra tout en roulant des pelles et en touchant les seins de beaucoup de meufs et en aimant beaucoup faire ça. Il faut l'excuser, c'était le début des années 2000 et c'était pas très éclairé en matière d'orientation sexuelle. Elle avait grandi avec cette idée qu'on était hétéra ou lesbienne, point. Et comme elle aimait les interactions avec les types... Elle s'était dit « c'est bon, ça devait être ça, l'hétérosexualité enfin, ». Bon, au bout d'un moment, elle a compris que plutôt elle était bi. Et Lola, en dehors du fait que vraiment c'est cool de ken avec des meufs, des fois son cerveau il lui fait un petit peu des blagues pas drôles à propos de ses attirances et de ses interactions. Parfois tout va bien, mais parfois, quand elle a un peu le darkness de la vie et d'elle-même, elle a du mal à pas se sentir condamnée par l'habitude à avoir plutôt le sexe avec des types cis. Et pas juste à cause du fait qu'elle soit femme ou de la statistique implacable de plus de chances de se pécho dans l'hétérosexualité quand on n'évolue pas principalement dans un milieu social lesbien, tout ça, tout ça. Des fois, dans sa tête, il y a comme des obstacles posés par ce qu'elle peut ressentir. Et bon, ces émotions, elles sont probablement déclenchées par le formatage à l'hétérosexualité aussi. Dans tout le formatage d'Hétéroland, il y a déjà la concurrence entre meufs. La comparaison des corps, l'importance des normes de beauté physique, de conformité. Et le fait de coucher avec une personne de sa catégorie, la catégorie meuf, ça rend la comparaison possible, plus possible qu'avec un type 6 en tout cas. Et c'est déjà arrivé que pendant le sexe, elle trouve son corps trop gros, pas assez beau, pas assez conforme par rapport à celui de sa partenaire. Et qu'elle se compare comme ça. Et parfois, il se passe d'autres trucs. Par exemple, elle a du mal à imaginer qu'elle peut être sexuellement attirante pour une meuf. Elle a l'impression de ne pas être intéressante sexuellement pour les meufs parce qu'elle ne peut pas leur jeter la poudre aux yeux de ce sur quoi repose pas mal de fois le désir hétéro. Sur ces trucs de fétichisme des nichons et des cambrures, là, de fétichisme parce que perçu comme un objet. Il y a rien de mal à aimer les nichons, bref. Évidemment, c'est un peu exagéré, il y a toujours un filtre, on a une culture sexuelle qui fait qu'on baise de telle ou telle façon et c'est valable aussi entre meufs. Le sexe avec les meufs, il n'est pas dépourvu de trucs normatifs chiants, de baise automatique, de trucs bien rangés dans l'ordre, de pression à la performance. Et bon, d'un autre côté, aussi, c'est plutôt une bonne chose pour arriver à interagir d'avoir quelques codes sexuels préétablis. Une autre chose, peut-être encore plus dark, c'est que, c'est une épreuve d'être avec les types. En tout cas, c'est quelque chose de difficile et on vit de l'exploitation émotionnelle, affective, tout ça, dans le cadre du couple avec eux. Et cette exploitation, elle peut justifier le fait d'être aimé. Parce qu'en fait, on est utile, parce qu'on fournit un service à la personne avec qui on relationne. Mais avec les meufs, bah, déjà, elles n'ont pas besoin de nous. Elles sont autonomes de comment on fait l'amour, le sexe et la vie affective. Et puis on est vulnérable. Elles nous voient vraiment, elles partagent vraiment notre condition. Et c'est ce qui fait que c'est cool, mais qui peut être aussi effrayant. La vulnérabilité d'être à découvert, d'être vraiment là, sans filtre, sans cadre. Cette vulnérabilité, à certains moments, elle la recherche, parce que ça ouvre tout un monde de baiser sans avoir l'impression d'être utile, de baiser juste pour baiser. D'avoir du sexe qui n'a pas de fonction, qui ne sert pas à se rassurer sur l'amour qu'on nous porte dans la relation. Une façon de partager de l'intimité sans qu'il y ait d'enjeu, sans que la relation dépende de la satisfaction sexuelle de l'autre. On est déjà sûr d'être aimé. Le sexe n'est là que pour lui-même et bien-être et confiance, ça fait un style radicalement différent de Nick. Feel the rhythm of the music getting stronger. Don't you fight it till you try to do that. Et vous êtes toujours sur le 89.5 de Radio Dio, dans l'émission Des litres de salive. Et on vient d'écouter Gloria Estefan avec Conga. Parce que je sais pas, parce que j'ai envie déjà. Et parce que c'est la fête, c'est cool, c'est l'été. Voilà. Et on va poursuivre l'émission avec une petite lecture. Une lecture franchement pornographique, hein, voilà, je vous le dis. Et qui s'appelle « Niquer ses potes, c'est super ». Et du coup, je vais faire un récit pornographique, genre là, maintenant, tout de suite. Donc attention, si vous n'avez pas envie d'entendre parler d'actes sexuels détaillés, il faut changer de radio. Et puis, encore une fois, éloigner les oreilles sensibles. Mais si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est que peut-être il y a un petit problème. Enfin voilà, bref. C'est bon ? C'est bon, on y va ? On y va ? Elle sent le vent chaud dans les poils de ses cuisses en marchant dans la rue. C'est l'été. Elle va vers le parc retrouver Eve et Paula, juste pour boire une bière, tremper ses pieds dans le ruisseau. L'air du dehors lui fait du bien, son corps est dense et ses muscles chauffent dans la pente. Elle se sent ouverte. En arrivant, elle s'assied et salue le pchit des canettes qui s'ouvrent. Et on se met à discuter de la chaleur, des bouquins qu'on lit ou pas. Et en parlant, elle pose sa main sur l'épaule d'Ève. C'est étrange, elle ressent une envie de proximité. Elle est un peu fébrile aujourd'hui. Des trucs bougent dans sa tête pendant la discussion. Elle se met à penser à la peau. Elle ressent l'envie de se coller contre les corps de ses amis, mais ce n'est pas très clair pour l'instant, pas vraiment formulé. Plutôt une sorte d'élan de sensation physique. Paula bascule en arrière sur la couverture posée au sol. Elle s'allonge et s'étire au soleil. Puis Eve fait la même chose. Alors Sabrina se laisse aussi aller en arrière. Des mèches de cheveux la frôlent, ses bras touchent un petit peu ceux des autres quand elle bouge en parlant. Elle a envie qu'elle baise, mais elle n'a aucune idée de ce qu'en pensent les autres et elle n'a pas très envie de se sentir vulnérable en faisant le premier pas. Alors bon, elle papote. Et puis à un moment, Eve lui dit... Tu sais, avant que t'arrives, on s'est roulé des grosses pelles avec Paula. Hein. Et toutes les deux, elles ricanent. Alors Sabrina rigole aussi et puis elle se relève sur le côté, leurs mains soutenant leur tête. Elle se regarde dans les yeux toutes et puis bah, c'est parti de se rouler des pelles. Le parc est désert, ce qui est quand même bien pratique. Elles se câlinent, elles s'embrassent dans le cou, elles pressent leurs corps les uns contre les autres. Certains câlins commencent à se transformer en frottements, les respirations s'accélèrent. Paula demande mais vous avez envie de faire carrément du sexe ? Et bon, la réponse de ses deux potes est assez claire, c'est oui. Assez vite, elles se déshabillent et sont en petite culotte sur la couverture. Et puis Sabrina enlève la culotte de Paula et commence à toucher sa vulve. Elle met de la salive sur ses doigts et les met doucement à l'intérieur. Elle sent les muscles se contracter autour de ses doigts et un peu de liquide jaillit de la vulve par à coup, coulant ensuite entre ses doigts. Eve attrape son autre main et elle la guide entre ses cuisses. Elle met ses doigts à l'intérieur d'elle aussi et c'est presque trop de sentir les chattes se contracter au bout de ses deux mains en même temps, d'entendre les gémissements et de sentir l'excitation de ses deux amis en même temps. Presque trop et en même temps, c'est parfait. Il n'y a de place dans sa tête que pour le sexe, là, tout de suite. Les filles se mettent face à elle, à cheval au-dessus de chacune de ses cuisses, et pendant que ses doigts passent de l'intérieur de la vulve au clitoris sur ses amies, elle caresse et lèche le bout des seins de Sabrina. Elles attrapent, massent, agrippent en lui faisant un petit peu mal le coussin de chair et de gras juste au-dessus de ses hanches. Elle se sent complètement submergée, difficile de rester concentrée avec toutes ses sensations en même temps. Avec toute cette excitation qui s'ajoute quand elle voit, pense les interactions des autres. Leurs deux corps qui se touchent au-dessus d'elle, leurs hanches l'une contre l'autre, leurs bouches collées et les respirations rapides, les murmures. Elles la tiennent par les côtés, maintiennent son corps contre le sol et en même temps, les doigts de leur autre main commencent à caresser sa vulve. Paula touche son clitoris, appuyant la pulpe de ses doigts contre la fine peau protégeant le gland, en bougeant lentement. Eve s'avance et l'embrasse. Elle se colle à elle et plonge sa langue dans la bouche de Sabrina pendant que ses doigts rentrent dans sa chatte. Les gestes sont doux, lents, mais appuyés. La pression sur le clitoris de Sabrina s'accentue, elle mouille beaucoup. Et la sensation d'hypersensibilité avant l'orgasme commence à monter. Comme si toute sa peau, chaque centimètre carré, chaque minuscule parcelle s'ouvrait d'un cran au-dessus aux sensations. Ça bascule et son cerveau marche plus, enfin plus comme d'habitude. Elle est plus qu'une boule d'énergie sexuelle en fusion avec des bouches, des organes, avec le désir des autres et son désir qui s'agglomère, et au centre son clitoris, les doigts dessus, les doigts dedans qui le caressent aussi. Et c'est là que ça part, l'explosion. Après ça, elle a besoin d'un peu de repos. Les filles l'embrassent sur tout le corps pendant les derniers soubresauts de l'orgasme. Puis elles s'embrassent entre elles. Eve a sa cuisse entre les jambes de Paula qui commence à partir, à se frotter en gémissant. Sabrina s'assied sur le côté de la couverture, se roule un joint et le fume en les regardant. Estoy ici, estoy una mujer. Oh, mi chocho loco. Te enseño mi chocho loco. Un poquito. Chochito. Chochito. Caliente. Caliente. Caliente. Caliente. Et c'était des litres de salive sur Radio Jo. On se retrouve tous les quatrièmes dimanches du mois. Et je vous dis à juillet. Salut!